voyez ma vie, en galère ma vie. Fais arrêter le bédo, pas besoin de ça pour être ghetto. Un dernier coup d'œil dans le rétro, je vois que les mythos jouent les dons vito. Dédicace à ceux qui bétonnent, tous ces compas sont postés à l'étage. J'ai tout vu dans ma vie, plus rien ne m'étonne. J'ai même vu des chibénis au ghetto. À 20 dans les virages, aujourd'hui ça va pas, demain ça ira. C'est bien, ça fait du buzz, mais t'es qu'un mirage. Ne t'inquiète pas, on se reverra en finale. T'inquiète même pas. Dédicace à tous mes potos qui n'ont pas changé, qui sont restés les mêmes. Y'en a qui sont étrangers. L'époque c'était bondel. Tu venais me chercher, y'avait pas de tel. À l'époque on faisait pas de def. On faisait le blanc et y'avait pas de test. C'est le ghetto, ghetto. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Quand j'ai commencé le bello, j'avais 15 piges avec des potos. On était cachés dans le ghetto. J'avais peur de me faire cramer par mon frérot. Traînait dans le métro, on esquivait les contrôles. On allait à l'œil jusqu'au Prado. On se prenait pour des grands, on était minos. Y'avait des blancs, des verts, des blacos. On était soudés, y'a pas de blame bro. J'ai découvert le rap, j'en deviens accro. Fais péter l'instru, j'envoie en impro. Dans la cité ça va si vite, poursuite, jeep, si vif, très vite. Chassis 1000 qu'on est tombé dans la résine. Viens voir où je réside, on est pas fait que pour l'usine. Des vertus dans le jean, mais les stars nous baratinent. T'as voulu contrôler Marine, tu vas voir ce qui t'arrive. Je vais te la faire à la mairie, c'est tout ce que tu mérites. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma vie. Si tu voyais ma vie. Si tu voyais ma vie. Galère est ma vie. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma ville, la galère est ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. J'suis perdu dans le ghetto. Perdu dans le ghetto. Si tu voyais ma vie. Si tu voyais ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis.